Voyage fait en la Terre-Neuve du Canada par Jacques Cartier. 1. En route vers la Terre-Neuve. Mardi 21 avril 1534. Après que Messire Charles de Mouy, sieur de la Meraille et vice-amiral de France, eut fait jurer au capitaine, maître et compagnon des navires, se comporter avec honneur et fidélité au service du roi très chrétien, sous la charge du capitaine Jacques Cartier, nous partîmes le 21e d'avril en l'an 1534 du port de Saint-Malo avec deux navires de charge d'environ 60 tonneaux et qui étaient armés chacun de 61 hommes. Et nous naviguâmes vers un tel bonheur que le 10e de mai, nous arrivâmes à la Terre-Neuve en laquelle nous entrâmes par le cap de Bonne-Vue qui est au 38e degré et demi de latitude. Mais à cause de la grande quantité de glace qui était au long de cette terre, il nous fallut entrer dans un port que nous nommâmes le port de Sainte-Catherine. Là, nous nous arrêtâmes 10 jours, attendant que le temps se fît plus clément, et pendant ce temps, nous équipâmes et appareillâmes nos barques. Mercredi 20 mai 1534. Le 20e de mai, nous fîmes voile avec vent d'ouest et nous dirigeâmes vers le nord depuis le cap de Bonne-Vue jusqu'à l'île des Oiseaux. Cette île est entièrement environnée de glace rompue et divisée en pièces. Cette glace ne découragea pas nos barques qui s'y rendirent pour prendre des oiseaux, dont il y a un si grand nombre qu'on ne peut le croire sans l'avoir vu. Bien que cette île, qui peut avoir une lieue de tour, soit si pleine d'oiseaux qu'il semble qu'ils étaient apportés là exprès et presque comme semés, il y a 100 fois plus encore d'oiseaux alentour et en l'air que dans l'île. Les uns sont grands comme des pies, noirs et blancs, et ont un bec de corbeau. Ils sont toujours en mer et ne peuvent voler haut, car leurs ailes sont petites, pas plus grande que la moitié de la main. Toutefois, ces oiseaux volent à fleur d'eau avec la même vitesse que les autres oiseaux en l'air. Ils sont excessivement gras, et ceux du pays les appellent aponates. En moins d'une demi-heure, nos hommes ont rempli nos deux barques, comme ils auraient ramassé des cailloux, de sorte qu'en chaque navire, nous en fîmes saler 4 ou 5 tonneaux, sans compter ceux que nous mangeâmes frais. Il y a aussi une autre espèce d'oiseau qui vole haut en l'air et à fleur d'eau. Ils sont plus petits que les premiers et sont appelés godets. Ils se rassemblent ordinairement sur cette île et se cachent sous les ailes des grands. Il y a aussi des oiseaux d'une autre sorte, mais plus grands et plus blancs. Ils sont très difficiles à prendre parce qu'ils mordent comme des chiens. On les appelle margots. Et bien que cette île soit distante de 14 lieues de la grande terre, les ours y viennent à la nage pour y manger de ces oiseaux. Notre équipage en trouva un, grand comme une vache, blanc comme un cygne, qui plongea juste devant eux. Lundi 24 mai 1534. Le lendemain de Pâques, qui était en mai, voyageant vers la terre, nous retrouvâmes notre ours à mi-chemin, nageant aussi vite que nous, qui allions à la voile. L'ayant aperçu, nous lui donnâmes la chasse avec nos barques et nous le prîmes de force. Sa chair était aussi délicate et bonne à manger que celle d'un bouveau. Mercredi 27 mai 1534. Le mercredi suivant, qui était le 27e du mois de mai, nous arrivâmes à la bouche du golfe des Châteaux. Mais en raison d'un temps capricieux et à cause de la grande quantité de glace, il nous fallut entrer dans un port nommé Carpoon, qui était aux environs de cette embouchure. Nous y demeurâmes sans pouvoir sortir jusqu'au 9e de juin, où nous partîmes pour dépasser Carpunt, lequel est au 51e degré de latitude. La terre, depuis le cap Raz jusqu'à celui de 2 grades, est faite d'îles situées si près l'une de l'autre qu'il n'y a entre elles que des sortes de petits fleuves par lesquels l'on peut aller et passer avec de petits bateaux. Il y a là beaucoup de bons ports, parmi lesquels ceux de Carpunt et de Grade. Sur l'une de ces îles, la plus haute de toutes, un homme debout peut voir très distinctement les 2 îles basses qui sont près du cap Raz. Mercredi 10 juin 1534. Le 10e du mois de juin, nous entrâmes dans le port de Brest pour faire provision d'eau et de bois et pour nous apprêter à faire route au-delà de ce golfe. Le jour de Saint-Barnabé, après avoir entendu la messe, nous tirâmes vers l'ouest pour découvrir les ports qui pouvaient être dans ce secteur. Nous passâmes au milieu des îles, qui sont en si grand nombre qu'il n'est pas possible de les compter. Nous demeurâmes dans l'une d'elles pour y passer la nuit, et nous y trouvâmes de grandes quantités d'œufs de canne et d'autres oiseaux qui y font leur nid.